Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Le sucre pour le meilleur et pour le pire, une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a le plaisir coupable d'une bûche de Noël, un produit transformé qui est partout et fait des dégâts. Les médecins en dénoncent l'abus, il est addictif et les lobbies lui déroulent le tapis rouge alors qu'il peut rendre très malade. Alors pour commencer, les personnages, une diabétique attentive, une médecin pédagogue, une nutritionniste précise, un chef de service qui décortique, un chercheur clairvoyant, des infirmières qui ont l'œil et un documentariste sur une île. Ensuite le décor, du sucre, des pâtes, des patates, des pancréas, des foies, des seringues, des régimes, des édulcorants, l'hôpital, la consommation et tout ce qui va avec, et le microbiote. Aujourd'hui, 3e épisode, c'est l'heure de la consultation. Moi je pensais que c'était que le sucre. Sucre. Marie-France. Marie-France. Moi je suis diabétique depuis 35 ans. La nuit des temps. Ouais. Oui, bah oui, depuis qu'elle est née. Donc voilà. De type 2, ou... Il pense que c'était un diabète de type 1 qui n'avait pas été laissé. Mais voilà. Et puis, ben. Faut vivre avec, faut apprendre à se débrouiller. Le sucre, pour le meilleur et pour le pire. Quand se nourrir rend malade, Jean-Philippe Navarre, Lydia Ben-Itzrak. C'est vrai que maintenant, ça fait 4 ans qu'on a changé de médecin. Et le jeune médecin qu'on a là, il a fait plein de stages en diabétologie. Donc du coup, il m'a expliqué beaucoup de choses aussi que je ne comprenais pas. Parce que on vous dit, oui, ben voilà, faut faire attention, faut pas manger ça, faut pas manger ça, faut pas faire ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Sauf qu'on vous explique pas pourquoi. C'est toujours des il faut ou il faut pas. C'est t'as le droit, t'as pas le droit, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, quand vous avez compris pourquoi et ce que ça faisait, voilà, et ben vous avez plus facile à vous tenir dans le régime, dans le, à faire attention, quoi. Et puis, il me disait, oui, mais tu vois, tu manges un peu de charcuterie, c'est grave, donc ça joue. Tu manges un peu de... Il y avait des choses que je mangeais, par exemple du porc. Eh ben, il faut faire attention qu'il ne soit pas trop gras. Il y a plein de choses comme ça que je ne savais pas. Et puis aussi, comment ça fonctionne dans la journée. Parce que des fois, je disais, mais regarde, quand je me pique, après que je me prends, des fois, je suis en hypo. Alors on réfléchit pourquoi à tel moment de la journée je suis tout le temps en hypo alors que je fais normal. Et il y a toujours un moment de la journée, de l'après-midi, où poum, je descends. Et on a réglé l'insuline, on a réglé tout ça. Et puis on essaye de... Mais on le fait ensemble. Il faut bien distinguer. Hein. Donc il y a le diabète dit de type 2, Karine Clément, qui est le diabète lié au surpoids. Et donc qui est ce problème de, à un moment donné, d'épuisement du pancréas parce qu'il a trop fonctionné. Et puis bien sûr le diabète de type 1 qui est complètement différent, qui est une maladie liée à un problème d'immunité. Et là c'est le pancréas qui va pas bien d'emblée, c'est-à-dire que globalement il peut plus faire son boulot de fabriquer de l'insuline et de la libérer pour l'entrée du glucose. Et là par exemple l'insuline, vous l'avez par injection et vous devez en prendre tous les combien par exemple ? Eh ben, j'ai 4 piqûres par jour. Hein, j'ai de l'insuline lente qui dure sur une journée complète. Donc là, j'ai des grosses doses. Et puis après, j'ai de l'insuline, ce qu'on appelle l'insuline rapide au moment des repas, pour justement éviter d'avoir des trop grosses montées de sucre. Mais il faut que les repas ils soient... il ne faut pas oublier qu'il faut des sucres lents à chaque repas. On ne peut pas non plus faire tout ce qu'on veut comme on veut, quoi. C'est-à-dire quand on va manger au restaurant, c'est des fois compliqué. Après, c'est à moi de savoir gérer l'insuline. Et ça, il me l'a appris aussi. Et donc, concrètement, vous n'êtes pas obligé d'arrêter le sucre du tout. C'est juste de gérer les apports de sucre. Certes, le sucre rapide, si. Le sucre comme ça, non, il ne faut pas que j'en prenne. Ça, c'est vraiment tabou. Après, ce qui est plus tabou aussi, c'est ce qui m'aide, je pense aussi, c'est qu'à une époque, c'était interdit tout. Interdit gâteau, interdit bonbon, interdit bidule, interdit... Tout, interdit tout le temps. Et puis, oui, les fruits aussi. Et maintenant, ils ne sont plus dans les interdits comme ça. C'est-à-dire qu'ils disent, bah, tu as le droit, une fois de temps en temps, de manger une part de gâteau. Alors qu'avant, c'était non. Alors, tu es aux anniversaires de quelqu'un, bah, tu dis non, tu ne manges pas. En été, tu as envie d'une glace, bah non, parce que c'est du sucre. Enfin, donc, maintenant, c'est plus comme ça. On est quand même un peu plus... Enfin, je pense qu'il est plus responsabilisé dans la maladie et du coup, on sait un peu mieux gérer. Alors, on sait beaucoup de choses maintenant sur le fonctionnement de l'insuline. C'est une hormone absolument essentielle. Donc autrefois, quand on n'avait pas découvert l'insuline, les personnes qui avaient un pancréas très abîmé, qui n'étaient pas capables de fabriquer de l'insuline, c'était un vrai problème. Hein. Ils n'allaient pas bien parce qu'on ne pouvait pas faire rentrer le glucose, donc le sucre, dans les cellules. L'insuline, c'est vraiment l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Et donc, elle est libérée par une glande très importante qui est le pancréas. Et donc, lorsque le taux de sucre dans le sang va augmenter, pas besoin d'être diabétique pour ça, hein, vous prenez un repas, naturellement, vous allez avoir une augmentation du taux de sucre dans le sang. L'insuline va faire son job. Et son job, c'est quoi? C'est de faire rentrer le taux de sucre dans les cellules. Alors, dans quelles cellules? Dans le muscle, par exemple, dans le tissu graisseux, on a l'habitude de dire. Mais il y a un point aussi très important, c'est que le glucose, le taux de sucre, il est aussi utilisé, bien sûr, par quasiment tous les organes et toutes les cellules de l'organisme, dont le cerveau. Hein, on a bien sûr besoin de glucose. Donc c'est vraiment une hormone qui est très régulée, qui va augmenter rapidement lorsque le sucre va augmenter. Et donc, un des problèmes, par exemple, des personnes diabétiques de type 2, donc qui est plutôt ce diabète qui est lié au surpoids, c'est que finalement, cette régulation se fait moins bien. C'est-à-dire que les personnes, au cours du temps, vont devenir résistantes à l'action de l'insuline. C'est-à-dire que l'insuline, en fait, ne peut plus faire son job. Parce que c'est pas juste on fait 4 piqûres, c'est on contrôle avant de faire la piqûre, on contrôle 1 heure après avoir fait la piqûre, on contrôle 2 heures après avoir mangé, on contrôle... Et maintenant, j'ai de la chance, parce que j'ai un nouvel appareil qui s'appelle un capteur, qui m'évite de me piquer, parce qu'avant, je me piquais 8 fois par jour le bout du doigt. Et puis quand on faisait comme ça, on voyait tous les pics, tous les petits trous. Mais maintenant, ça y est, ça revient, je ressens un peu plus. Mais parce que j'ai le nouveau capteur là qui vient de sortir et qui est pas mal. Alors c'est comment c'est implanté ou ça se passe comment? Ben, tous les 15 jours, je me l'implante. Dans le bras? Là. Une petite boule, là, on ne voit pas, mais... Mais vous faites vous-même? Vous l'enfoncez vous-même? Bah oui, avec un système spécial. Comme une grosse seringue et vous le mettez dans votre bras? Ouais, c'est un truc rond comme ça. Hein. Il y a une piqûre au bout qui rentre dans la peau. Et puis après, c'est un scanner, en fait. Je passe mon scanner, un peu comme si on fait les courses. Mmh. Je passe le scanner, voilà. Et ça me dit, ça fait tant de diabète. Mais c'est bien pratique parce qu'en même temps... Ça calcule sur une journée complète, même la nuit. Même si je ne scanne pas dans la nuit, pendant 8 heures, il peut voir si ça monte, si ça descend. C'est ça qui est bien, parce que quand je me rescanne le matin, il calcule tout ce qui s'est passé la nuit. On peut le voir, le scanner, parce qu'on... Ah, il n'est pas loin, forcément. Non. Vu qu'il ne peut pas marcher, tout est... Voilà, hop. Je fais comme ça, je l'allume. Elle me dit, je suis à 1,33 mon diabète. Ah oui, en effet, ça, c'est comme un système de caisse. Vous passez et ça enregistre automatiquement. Et puis après, il y a la courbe dessus. Il y a la courbe. Et puis après, je peux voir la courbe sur une journée, sur 8 jours, sur... Là, vous êtes à combien? Là, je suis à 1,33. Je suis bien. C'est bien ça, 1,33. Ah oui, oui, oui. Il faut être entre 0,80 et 1,70. Moi, ma cible à moi. Après, voilà, j'ai graphique quotidien, samedi, du matin. Vous voyez, je suis montée très haut à midi. Le repas? Non, c'était avant le repas. Tu vois, parce que ça, c'est l'insuline du matin, ça, c'est l'insuline du midi. Donc, tu vois, l'insuline du midi, j'étais presque à 3,50 sans que j'ai rien fait de spécial. La même façon, vous imaginez, bah, vous mangez, le taux de sucre, le taux de glucose va augmenter. Et bah, en fait, il va falloir beaucoup d'insuline pour faire rentrer le glucose dans les cellules, en particulier le tissu adipeux, le muscle. Puis à un moment donné, en fait, elle n'y arrive plus du tout. Donc c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et donc, au cours du temps, c'est aussi la raison pour laquelle, finalement, même les personnes qui sont diabétiques de type 2 peuvent avoir à un moment donné besoin d'insuline supplémentaire, hein, qui va être donnée par voie injectable, parce que le pancréas, au bout d'un moment, il s'épuise un peu. Donc en fait, il ne peut plus faire ce travail de libération de l'insuline quand on en a besoin. Et les symptômes, c'est de la fatigue essentiellement ? On est fatigué, on se met à uriner beaucoup. Et si c'est vraiment très extrême, on se met à perdre beaucoup de poids en fait. Parce qu'il y a une libération, si vous voulez, de l'énergie, du sucre par le rein. Et puis surtout, à un moment donné, comme le sucre ne peut plus rentrer dans les cellules, en fait, il faut bien que la cellule elle utilise une autre molécule. Sinon, comment elle pourrait carburer ? Et donc, elle va se mettre à utiliser de la graisse. Et c'est pour ça aussi que les gens qui sont très, très déséquilibrés en termes de diabète peuvent maigrir beaucoup. Je suis docteur en physiologie et physiopathologie dans le domaine de la nutrition, plutôt l'obésité, le diabète. Milena Montero Sepulveda. Quand on mange du riz, on ne pense pas que le riz, ça peut nous faire du mal à la santé. Mais si on mange du riz blanc, si on mange un bol de riz blanc, ça peut monter la glycémie comme si on mangeait un bol de sucre. Ça, une chose qu'on appelle l'indice glycémique, c'est comment on peut classifier le pouvoir d'un aliment à monter notre glucose, monter le sucre de notre sang. Donc c'est l'indice glycémique. Ça, c'est très important de regarder. Et la charge glycémique aussi, c'est très important. Ça veut dire qu'une baguette, on ne pense pas qu'il y a de sucre, mais si on mange une baguette, ça peut monter notre glycémie comme du sucre. Donc c'est très néfaste pour la santé. Donc il y a, par exemple, la patate douce, qui monte beaucoup moins, beaucoup, c'est un indice glycémique moyen. Et si on mange la pomme de terre normale, cuite à l'eau, et si on mange directement, ça peut monter plus que la patate douce. Et on ne pense pas. On pense que parce qu'il y a un goût sucré dans la patate douce, ça peut nous monter plus la glycémie, et c'est le contraire. Alors, on fabrique du sucre, on libère du sucre. Alors, la principale source de glucose, donc de sucre qu'on a dans le sang, c'est le foie. Hein, puisqu'il y a une réserve finalement de glucose qui est un peu limitée d'ailleurs hein, dans le foie. Et en fait, quand on va mesurer chez une personne donnée le taux de sucre à jeun, bah, l'origine vient principalement du foie qui va libérer du sucre, du glucose. Alors parfois quand on parle de chute de glucose, d'hypoglycémie, bah, en fait c'est parce que le foie ne peut plus assurer en fait, cette libération du glucose, ou bien par exemple qu'on peut avoir aussi trop d'insuline hein, qui fait rentrer le sucre dans les cellules, et donc là le sucre, donc le glucose qu'on a dans le sang va chuter beaucoup. Alors en langage médical on parle de glycémie, hein, taux de sucre dans le sang. Quand par exemple comme là en ce moment mes reins vraiment ils ont plus de mal, ben, j'ai tendance à avoir trop de sucre. Alors que je mange exactement pareil que d'habitude, je fais exactement les mêmes doses d'insuline, mais je monte à 3 grammes, alors que d'habitude, maximum, je suis à 1,50 g, quoi. Donc, ça aussi. Et puis, le moral, si vous n'avez pas le moral, si vous n'avez pas... Eh bien, ça joue sur le diabète. Ce qu'on ne sait pas, ça... Que, ben, quand on n'est pas bien dans sa tête, le diabète, il n'est pas bien dans son corps. Aujourd'hui, j'ai le désespoir sucré. Des religieuses prestent un matin de janvier vont de Paris à Brest consoler les divorcés. Je vois courir dans les forêts noires des glands perdus hurlant au désespoir. Ne me demande pas d'expliquer où va mon désarroi acidulé. Après, il y a des moments donnés où c'est plus difficile à gérer parce que justement, il y a bah, soit mon cœur qui dit un petit peu je suis mort, soit mes reins qui disent fiche-nous la paix. Je suis stable en poids là. Mais d'abord, vous regarderez que beaucoup de gens qui sont diabétiques sont gros, mais parce que c'est lié, oui, effectivement, au fait de prendre des féculents en permanence. Bah, moi, je vois, je marche pratiquement plus, donc parce qu'on a beaucoup de problèmes au niveau des jambes aussi hein, avec le diabète. Donc on marche moins, on fait moins de sport, les pieds, les jambes. Moi, tu verrais, mes jambes sont dans un état. Et voilà, et après, tout ça mis bout à bout, bah oui, on est forcément gros. Ouais, notre corps ne réagit pas comme tous les autres. Ouais, ça c'est, ouais, ça réagit pas pareil. On n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des gens qui vont dire « Ah, je ne mange pas de sucre, je vais remplacer ça par les édulcorants. » Donc, je vais manger l'aspartame, la saccharine, les cyclamates, tout ce qui est sucré artificiellement, ça veut dire les faux sucres. Et ils pensent à comme s'il n'y a pas de calories, ça ne va pas me faire grossir, ça ne me fait pas mal, au contraire. Aujourd'hui, on a de plus en plus de publications scientifiques qui montrent que parce qu'on active, on a des papilles qui sont des papilles au goût sucré. Ça veut dire que quand on mâche des chewing-gums qui a un sucre artificiel, donc un édulcorant, on va sentir le goût sucré et tout notre système va penser, notre cerveau, il va dire « Ah, il y a du sucre qui va venir ». Donc il va préparer tout notre corps à recevoir du sucre. Ça veut dire que si on mâche un chewing-gum qui a un goût sucré, notre pancréas va dire « Ah, je vais produire l'insuline, je vais me préparer, notre intestin commence à se préparer pour recevoir du sucre ». Donc ça, c'est très mauvais pour la santé, dans le sens que déjà, produire l'insuline toute la journée, c'est une hormone qui est anabolique, ça veut dire que c'est une hormone qui nous aide à stocker de la graisse. Donc, et encore, si on va fatiguer notre pancréas à produire de l'insuline, parce que l'insuline, c'est elle qui va mettre, ça va faire entrer tous les sucres qui sont dans le sang, dans les cellules, pour que ça ne reste pas haut dans le sang, parce que ça, ce n'est pas bon pour la santé. Et si on est en train de produire l'insuline toute la journée, ça peut augmenter le risque d'être diabétique. Donc aujourd'hui, c'est ça la publication. Si on a une exposition importante aux édulcorants, donc si on mange souvent, si on va sucrer tous les temps nos cafés avec des édulcorants, ou si on va manger des choses qui sont artificiellement sucrées, ça veut dire qu'on est en train de, ok, ne pas manger des calories, mais on est en train d'augmenter notre risque d'avoir un diabète. Avec le professeur Malbert, Charles-Henri Malbert. Il vient de Bretagne. Je suis directeur de recherche à l'INRA, le vice-président de l'Académie. Voilà. Mais écoutez, l'un des premiers édulcorants, ça a été l'aspartame, qui avait un certain nombre d'intérêts culinaires. Et qui s'avère chez le rongeur une substance qui a une suspicion de cancérisation. D'où certains industriels qui l'ont purement et simplement éradiqué de leur catalogue. Il y a quelques années, une grande marque de produits sucrants non caloriques, il y avait de l'aspartame dans le flacon, maintenant il y a du sucralose. Donc beaucoup d'industriels ont transformé cet aspartame en sucralose. Le sucralose, c'est un dérivé synthétique du sucre. C'est-à-dire qu'on commence à partir du sucre, et puis on va le traiter pour le transformer en édulcorant de synthèse, puisqu'il ne va pas être absorbé. Donc, n'étant pas absorbé, il n'y a pas les effets caloriques du sucre. Et puis, à côté de cela, il y a toute une série de substances, plus ou moins issues soit de la chimie ou de l'extraction de plantes. Le plus utilisé dans le monde, c'est probablement l'acésulfame. L'acésulfame qu'on retrouve dans toutes les boissons gazeuses light. Le problème de cet acésulfame, c'est que, donc il est très bon marché, mais il a un inconvénient, c'est qu'il laisse un arrière-goût métallique après sa consommation. D'où le fait de rajouter du sucralose, et en fait le sucralose va masquer ce goût métallique, et au final, 90% des boissons édulcorantes de synthèse contiennent ce mélange d'acésulfame-sucralose. Jusqu'à présent, le mélange acésulfame-sucralose était considéré comme sans risque pour la santé. Pour autant, en 2018, la question se posait de façon significative, puisqu'il y a eu 3 études chez l'homme, 2 réalisées par nos confrères indiens et américains, qui ont montré une modification de la sensibilité à l'insuline à la suite de la consommation sur le long terme de ces substances, et une autre française, réalisée à Rennes, qui, elle, a montré strictement l'inverse, c'est-à-dire aucune modification de la sensibilité à l'insuline associée à ces substances. Donc, quand on regarde un peu plus avant, Alors, la sensibilité à l'insuline, c'est la capacité qu'a un tissu à répondre, à consommer du glucose sous la présence de l'insuline. Par exemple, les gens qui ont une obésité importante vont, pour certains, diminuer la sensibilité qu'ils ont à l'insuline, ce qui va faire que la concentration d'insuline dans le sang va monter, de façon à maintenir une consommation de glucose qui est essentielle à la vie. Et c'est cette surproduction d'insuline par le pancréas qui va progressivement épuiser le pancréas et au final se traduire par un diabète de type 2. On va donc rejoindre le service du professeur Hopper, qui est spécialisé donc dans les maladies liées au sucre, comme l'obésité ou le diabète, par exemple. Chef du service de nutrition de la Pitié-Salpêtrière. C'est mon titre. Notre service est centré sur la prise en charge des patients qui présentent des problèmes de poids importants, et donc des obésités sévères. Donc c'est notre cœur de métier. Ils ont souvent un assez grand nombre de pathologies associées à leur excès de poids, et ils ont parfois, pas toujours, aussi des difficultés psychologiques ou des problèmes sociaux. Souvent, on peut associer aussi les problèmes d'alimentation avec une certaine précarité. Alors pour l'obésité, c'est tout à fait démontré. Il y a un certain nombre d'enquêtes en France, comme dans d'autres pays similaires à la France, où on sait qu'il y a un gradient social de l'obésité. Par exemple, certaines enquêtes ont montré que quand on compare les foyers ou les familles avec les revenus les plus élevés par rapport aux revenus les plus faibles, il y a 4 à 5 fois plus d'obésité dans les catégories de revenus les plus faibles. Donc il y a un gradient social qui est extrêmement marqué, ce qui fait que, effectivement, en termes de prise en charge, de soins, la situation sociale est souvent un des aspects importants de la prise en charge et souvent aussi un des aspects difficiles à prendre en charge. Notre travail, c'est de nous occuper de ces personnes de façon globale, donc de prendre en compte la situation médicale, la situation nutritionnelle, la situation psychologique et, si besoin, la situation sociale pour proposer des parcours de soins individualisés et personnalisés. Donc que ça soit pour l'obésité ou pour le diabète, ce qui nous paraît vraiment important, c'est de reconnaître l'origine multifactorielle du problème. Bien sûr, pour la prise de poids, il y a un aspect incontournable, c'est le fait qu'il y a un déséquilibre de notre bilan d'énergie. Mais une fois qu'on a parlé des entrées et des dépenses, donc c'est vraiment un aspect très comptable en fait de la physiologie, c'est une réalité, mais ça n'explique pas grand-chose. Ces influences, bien sûr, c'est l'alimentation, c'est aussi l'activité physique, c'est aussi notre situation psychologique et puis beaucoup d'influences sociétales et environnementales. Quand on n'a pas le moral, le diabète il s'envole. Quand on est fatigué, le diabète il s'envole. Quand on est enrhumé, on n'en parle même pas. Si on fait une petite infection, par exemple, on parlait des pieds, ça arrive d'avoir des petites infections qu'on ne se rend pas compte tout de suite. Un petit bobo qu'on s'est fait, qu'on a tapé, qu'on a griffé, qu'on a... Ben, le diabète il bouge. Dès qu'on change un médicament, quelquefois, le diabète, il dit « Hop, je m'envole ». Enfin, c'est très compliqué à gérer le diabète. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais tu te fais des piqûres et puis c'est bon ». Non, c'est pas que ça. Ça serait si simple. Si c'était que des piqûres. Mais après, je trouve que souvent, on a tendance à dire aux gens diabétiques « Oui, mais c'est parce que tu fais pas attention, c'est parce que... » C'est pas vrai. Pas forcément. Il y a des gens qui font pas attention, mais c'est comme chez n'importe qui. Mais tous les diabétiques ne sont pas à bouffer des bonbons, des gâteaux et du Coca-Cola à longueur de journée. Même quand on est du type 2. Par exemple, on fait une ratatouille, on est obligé de faire du lait avec. Il faut faire un succulent, hop, pour faire un du riz. Féculent. Un féculent. Oui, un féculent. Mmh. Du riz, pas ses succulents. Et bien, oui. tu ramènes du riz. Voilà. Voilà. Avant, moi, je mangeais la ratatouille comme ça, je pensais jamais manger du riz avec, quoi. Mmh. Maintenant, j'en fais, parce que, voilà, besoin de succulents, quoi. Des choses comme ça. Par exemple, quand je fais des carottes trempées, c'est pas succulent. Mmh. Alors, pour ajouter, j'ai vraiment fait une salade de pâtes avec. Ah oui, c'est une bonne idée. Voilà. Une salade de pâtes, par exemple. Voilà, des choses comme ça, quoi. Ouais. Faut réinventer. Voilà. Oui, voilà. Oui, faut réinventer par-dessus, quoi. Mmh. Et puis, la viande, c'est pareil. Elle ne mange pas beaucoup de viande. Hein. Mmh. Quand je fais un bourguignon, elle prend une bonne cuillère, et puis voilà, quoi. Il faut gérer, quoi. Mmh. Mais voilà. Vous n'êtes pas diabétique. Non, mais je suis obligé de le suivre, mmh. en même temps. Mmh. Ah oui, c'est une affaire familiale. Ma femme vient à Valpas. Pareil, elle mange beaucoup. Olivier. Aujourd'hui, j'ai le désespoir sucré du monde qui s'affaisse sous les financiers et leurs étranges fesses font des sourires carnassiers. J'entends gémir devant le miroir des femmes énormes en forme de poids. Ne me demande pas d'expliquer où va mon désarroi acidulé. Quand on parle des complications associées à l'excès de poids, on pense toujours au diabète et aux complications cardiovasculaires. Bien sûr, ça fait partie des comorbidités, des pathologies associées à l'excès de poids, mais il y en a de très nombreuses autres, dont certaines impactent très sévèrement en fait la qualité de vie des personnes et leur situation médicale. En particulier les complications respiratoires. Donc on connaît la fréquence des apnées du sommeil, par exemple, en situation d'obésité sévère. Donc c'est une situation qui impacte sur la vigilance, donc il y a des risques d'accident. C'est une situation qui impacte sur la santé cardiovasculaire aussi. Donc ça doit être vraiment dépisté, repéré et pris en charge. Il y a d'autres types de complications médicales qui sont très importantes, ce sont les complications qui touchent les articulations. On sait que l'excès de poids favorise l'arthrose, en particulier des genoux. Il y a une sorte de cercle vicieux qui s'installe, où l'excès de poids va impacter sur les articulations, qui va impacter sur la mobilité, qui va donc retentir aussi sur le poids, etc. etc. Et donc ces complications, elles sont assez difficiles à prendre en charge. Il y a souvent, bien sûr, des syndromes douloureux aussi qui doivent être soulagés. Donc ça fait partie vraiment des priorités pour nous. Après, il y a beaucoup d'autres choses parce que l'obésité atteint quasiment tous les organes, tous les systèmes, sans oublier le retentissement psychologique, bien sûr. Souvent, dans ce domaine, c'est difficile de savoir ce qui est la cause et la conséquence, de savoir si parce qu'on a pris du poids, on a plus tendance à être anxieux ou déprimé, ou parce qu'on est anxieux ou déprimé, on a pris du poids. Mais en fait, pour le praticien ou pour l'équipe de soins, ce qui est important, c'est de prendre en charge la personne avec sa situation et donc avec une attention particulière pour la situation psychologique des personnes. Milena Montero Sepulveda, le fait de grossir n'est pas lié au nombre de calories que l'on mange. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en fait, il faut penser que l'obésité, c'est une maladie inflammatoire. Quand on a une obésité, il y a notre foie qui est inflammé, notre graisse, notre tissu adipeux qui est inflammé. Il y a le cerveau qui aussi a une augmentation de l'inflammation. Et moi, avec ma thèse, j'ai pu montrer que l'intestin des obèses, il est inflammé aussi. Mais à partir de quel moment on va dire que quelqu'un est vraiment obèse? Ça peut être une personne un peu grosse qui a le même type d'inflammation, par exemple, ou pas? En fait, ça veut dire que ce n'est pas tous les obèses qui ont l'inflammation. On va dire qu'il y a des obèses qu'on appelle « metabolic healthy ». Ça veut dire que métaboliquement, ils n'ont pas de diabète, ils n'ont pas de résistance à l'insuline, ils n'ont pas d'hypertension. Ils ont juste plus de poids qu'ils devraient avoir. Mais ça, c'est plutôt 8% de la population obèse, Normalement, plus on va être obèse, plus on peut avoir cette inflammation qui s'installe. Et cette inflammation, il y a, d'une certaine façon, ça nous empêche de maigrir. Ça veut dire que moi, je suis plutôt vers une amélioration de la qualité de l'alimentation que de compter des calories. Parce que on sait aujourd'hui que les régimes et des restrictions où on va manger très peu de calories, qu'on va compter toutes les calories, ça ne marche pas à long terme. Donc idéalement, c'est vraiment, si quelqu'un veut maigrir, si quelqu'un veut lutter contre l'obésité, c'est essayer d'améliorer la qualité de leur alimentation. Et une chose qui est très liée à l'obésité, personne ne va penser à ça, c'est que la grande majorité des obèses, ils sont dénutris au niveau micronutriments. Ça veut dire qu'ils vont manquer de certains micronutriments, de certaines vitamines, parce que la qualité de ce qu'ils mangent, il y a beaucoup de calories, mais il n'y a pas les micronutriments pour faire fonctionner leur système. Donc ça, c'est une des choses à faire, la première chose à faire, voir si on a des carences. On peut être carencé en zinc, en sélénium, ça c'est très courant chez les obèses. On est tous carencés en vitamine D par exemple. On peut avoir des carences de complexe B en général, de B12 par exemple. On peut avoir 200 kilos et être carencé en toutes ces vitamines et des minéraux aussi. On va dans la partie de notre service qui est l'hôpital de jour. On vous suit. Donc on va prendre l'escalier hein, parce que c'est l'activité bon. Physique c'est très important. Bon. Avec le sourire, mais monter des escaliers, c'est, on peut qualifier ça d'une activité d'endurance de haute intensité. Quand on fait de l'éducation thérapeutique aux patients, dans le domaine de l'activité physique, on aime bien effectivement leur faire un atelier escalier, parce que c'est très important et c'est un exercice vraiment du quotidien. Ça permet de tester l'essoufflement, l'endurance, etc. Alors, je vais vous présenter les membres de notre équipe diététique. Voilà, ici on a notre interne qui s'occupe de nos patients. Comme je vous ai expliqué dans la journée, on a une évaluation médicale, diététique, éventuellement psychologique pour définir le parcours du patient. Infirmière de structure d'hôpital de jour, voilà, donc l'infirmière est chargée de l'accueil, des prélèvements, de l'orientation. Et peut-être qu'elle peut vous expliquer ce qu'elle fait. Sa journée, du coup. Je suis Sylvie Wolf, je suis infirmière. J'ai 54 ans et je travaille effectivement dans le service de nutrition depuis de nombreuses années. Voilà, où je prends en charge patients obèses qui sont soit en demande d'une première expertise, d'une première prise en charge, des patients pré- ou post-chirurgie bariatrique. On les accueille, on fait les bilans sanguins, on coordonne un peu toutes les activités pendant la journée. On a un peu la liaison entre les autres paramédicaux et les médecins, s'assurer qu'ils aient tous leurs examens et que voilà, il y ait du sens. Parce que notre équipe infirmière est experte dans la prise en charge des patients obèses, on a aussi développé ce qu'on appelle un protocole de coopération. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'actes qui sont le plus souvent effectués par des médecins peuvent être effectués par des infirmières qui peuvent recevoir des patients en consultation. Alors là, il s'agit plutôt du suivi après une chirurgie de l'obésité. Mais donc c'est tout un protocole qui permet en fait aux infirmières d'assurer elles-mêmes le suivi. C'est une expérience pilote, on peut dire, de prise en charge avec des protocoles de coopération qui permettent de se distribuer les tâches finalement entre professionnels. On apprend à déléguer. Alors ça s'appelle plutôt coopération que délégation. Effectivement, vous avez raison, le terme initial s'appelait délégation. Mais en fait, en réfléchissant, il s'agit plutôt de coopération que de délégation. J'espère qu'ils ont augmenté en conséquence. Alors j'ai cru voir que sur la coopération, il y avait une prime effectivement sur les infirmières qui étaient inscrites, qui viennent passer au journal officiel. Je l'ai vu passer, après pour le moment, ce n'est pas encore effectif. Diététicienne, enchantée. Donc vous travaillez en permanence dans ce service ou vous êtes en même temps dans plusieurs endroits? Je travaille en permanence dans le service de nutrition depuis de nombreuses années. Donc moi, si un patient vient et me dit « je vous remercie parce que j'ai perdu du poids », je lui dis non, c'est vous qui avez fait. Donc effectivement, on est très dans l'empathie et ce sont quand même des patients que nous voyons qui ont suivi des tas de régimes, qui ont été toujours très restreints, qui ont été dévalorisés par les prises en charge multiples. Et donc le fil conducteur, c'est quand même revaloriser, déculpabiliser par rapport effectivement à l'échec entre guillemets. Et oui, on est beaucoup dans l'empathie. Je ne sais pas si on peut parler d'échec, c'est pour ça que j'emploie le mot rechute. Ce sont de toute façon des épisodes inévitables, j'ai envie de dire, sur des impulsivités alimentaires, sur et donc on est là vraiment pour les encadrer, les aider sans aucun jugement et partir des difficultés toujours rencontrées pour les aider à les surmonter. Vous avez vu passer vraiment des générations de patients? On peut voir effectivement des anciens patients qu'on suit depuis des décennies. Nous voyons aussi les enfants des patients que nous avons connus auparavant. Oui, il y a un suivi effectivement important puisque il y a beaucoup de patients qui sont dans la rechute entre guillemets par rapport au poids, par rapport au suivi des régimes et où ils ont besoin de nous de longues années. On mange beaucoup de légumes, on mange beaucoup de choses comme ça pour essayer de limiter aussi un peu. Les féculents, c'est une petite part, et puis on mange à côté des légumes. Voilà. Après, j'ai une habitude à prendre. C'est vraiment une habitude à prendre. Puis le grand chef, il sait bien faire à manger. Le grand chef, c'est votre mari ? Ah non, c'est mon gendre. Ah, d'accord, votre gendre. Voilà. Et vous parliez de son bypass, elle s'est fait opérer pour quelle raison ? Alors, qu'est-ce qu'elle avait comme souci ? Elle était du poids. Oui, elle faisait 168 kilos. 168 kilos ? Ouais. Oriane, elle a... Mais c'est héréditaire. Hein, c'est déjà, pas... c'est héréditaire, on est tous gros chez nous. C'est un morphotype. Et puis, Oriane, c'est... beaucoup réfugiée dans la nourriture, c'est une carapace. Elle s'est fait une carapace, voilà. C'est vrai que beaucoup de patients qu'on rencontre vont en fait aller vers le sucre et avoir cette tendance à l'impulsivité en fonction de leurs émotions. La nourriture peut parfois calmer certaines émotions négatives. Ça permet aux patients de trouver un équilibre en fait psychique. Donc on va surtout aller regarder un petit peu quelles émotions, quelles situations peuvent provoquer justement ce besoin d'aller, presque d'aller s'anesthésier en fait par le sucre, parce que le sucre a cette fonction-là, avec une grande quantité de sucre, c'est vrai que ça peut calmer de manière assez rapide les angoisses. Donc on va surtout aller chercher en fait la cause de cette impulsivité pour ensuite essayer de permettre une meilleure gestion des émotions. Ça va diminuer le besoin en fait d'aller vers le sucre. On peut avoir des patients qui craquent entre guillemets sur le sucre parce que ils ont subi une restriction trop rigide auparavant qui pouvait interdire les produits sucrés. Mais si je vous comprends bien, Sophie Gougis, il n'est pas vraiment recommandé d'interdire aux enfants de manger des sucreries de manière trop drastique, parce que les conséquences peuvent être terribles derrière. Donc il faut vraiment être très vigilant sur les régimes, sur une restriction avec des interdits alimentaires, d'autant plus chez les enfants. Bien sûr, on voit que des interdits alimentaires chez des enfants, des adultes à tout âge, peuvent favoriser, engendrer, aggraver des troubles du comportement alimentaire. Et puis il y a une deuxième forme d'impulsivité qui peut être une réponse aux émotions, une réponse aux stimuli de l'environnement, de cette société de consommation. Donc c'est ça qu'on essaye d'analyser avec chaque patient, d'où vient ce besoin irrésistible de sucre. Qui a dit rien ne se perd et rien ne se crée, tout se métamorphose en baudruche, en suquet, débordant de soda, de streaming et de sundae. Je vois venir au loin l'ombre noire, le diabète est méchant et me force à m'asseoir sous le poids de mes poignées d'amour. Où va mon désarroi, jour après jour? L'idée, c'est pas de supprimer les sucreries ou justement l'alimentation plaisir, parce que au contraire, ça répond à un besoin. Si la nourriture m'aide à me réconforter, c'est que mon besoin, il est autre finalement. Voilà, donc c'est trouver, après réussir à trouver un réconfort ailleurs et un réconfort avec ses propres ressources psychiques en fait. le patient, surtout dans les problématiques d'obésité, sont beaucoup dans la culpabilité. Maintenant qu'elle va un peu mieux, elle recommence à perdre. Là, ça y est, elle est repartie. Quel âge elle a ? Elle a 35 ans. C'est ça la petite qui a 35 ans, je lui disais. C'est mon bébé. Et là, elle pèse combien actuellement après l'opération ? Là, elle est à 132. Elle a perdu 50 kilos. Ouais. Alors, 50 kilos. Ouais. En combien de temps ? Ça fera un an au mois de décembre qu'elle a été opérée. Voilà. C'est quand même beaucoup, 50 kilos en un an. Avec un bypass, c'est normal. Ouais. Mais elle doit reperdre en plus. Là, elle avait un petit peu stabilisé, puis elle recommence à redescendre un peu là. Il y a des paliers, oui. Mais elle est mieux dans sa tête. Puis ah oui. Le fait d'avoir retrouvé du travail, ouais. Ça fait beaucoup. On a une image peut-être un peu caricaturale des Américains qui ont des niveaux d'obésité parfois très impressionnants. Comment on peut comparer proportionnellement ? Est-ce que la France se dirige dans cette direction, à votre avis, au niveau des chiffres ? Alors, aux États-Unis, il y a à peu près 35% de personnes obèses. Hein. Donc pour 17% en France, donc deux fois moins de personnes obèses en France. Donc la France fait partie des pays industrialisés où la prévalence est relativement faible. Donc il y a deux points intéressants en rapport avec la fréquence de l'obésité. D'abord, elle a quand même beaucoup augmenté au cours des 15 ou 20 dernières années puisqu'elle a doublé. Donc ça, c'est un point de préoccupation. Et l'autre aspect, c'est qu'il semble qu'au cours des dernières années, la fréquence globale dans la population se soit plutôt un peu stabilisée. Donc, alors, les raisons, on peut discuter les raisons, mais c'est un point plutôt effectivement intéressant. Mais ce qu'il faut dire quand la prévalence semble se stabiliser, donc d'une part, c'est un point effectivement pour lequel on peut être satisfait, mais souvent quand même ça marque des très fortes disparités sociales. Et donc on sait, compte tenu du gradient social de l'obésité, que là, les catégories où la prévalence continue à augmenter sont les catégories aux plus faibles revenus ou les catégories précaires. On sait que dans les situations, par exemple, où les personnes ont recours à l'aide alimentaire, la prévalence de l'obésité est deux fois plus élevée que dans la population générale. L'obésité mondiale est en croissance. Sans arrêt. En 40 ans, ça a augmenté drastiquement. C'est une épidémie qui est accompagnée par l'épidémie de diabète aussi. C'est plus dû à l'environnement, y compris la pollution. On est plus pollué aujourd'hui. La pollution, ça nous fait grossir aussi. On est exposé à un changement drastique de mode de se nourrir. Ça veut dire qu'on a passé à une nourriture fait maison à l'époque de nos grands-parents, où on avait le temps de cuisiner, on allait chercher chez les producteurs les matières premières pour faire notre nourriture. Aujourd'hui, on passe en supermarché, on achète quelque chose de prêt, on met micro-ondes et on mange. Donc ça, c'est un changement pour notre organisme, pour notre métabolisme énorme. Ça prédispose à l'obésité. Il y a un changement au niveau de la consommation des produits comme le sucre. Après la première guerre, on mangeait très peu de sucre. La consommation annuelle de sucre, c'était pas très importante. Aujourd'hui, c'est 4 fois, 5 fois plus. Aux États-Unis, c'est autour de 50 kilos de sucre par année, par personne. C'est énorme. Normalement, on devrait consommer au maximum, c'est ça que l'OMS préconise, 25 grammes de sucre par jour, c'est le maximum. Idéalement, ça serait au moins de 10 grammes par jour. Et actuellement, il y a des pays qui consomment 120 grammes par jour. Et notre corps, il n'est pas fait pour supporter tout ce sucre. Ça, c'est certain. Une canette de soda, il doit avoir 6 morceaux de sucre. Un morceau de sucre, c'est 5 grammes, non ? Donc, ça fait 30. Donc, ça veut dire que si on boit une canette, on a déjà dépassé largement le maximum qu'on devrait manger. Et c'est bien de parler des sodas, parce que le soda... C'est très bien montré ça dans la littérature scientifique. C'est une des causes de l'obésité qui aide énormément à la croissance de l'obésité dans les pays industrialisés. Ça veut dire aux États-Unis, le soda, la consommation de soda, c'est un des agents les plus importants pour qu'on ait cette épidémie d'obésité. En plus, bien sûr, de tout ce qui est industrialisé et qui a des sucres cachés. Aujourd'hui, on sait que même dans des pains en pandémie industrialisée, il y a une énorme quantité de sucre ajouté. On pense que c'est quelque chose de salé, mais en fait, on est en train de manger du sucre aussi. Moins on mange des choses industrialisées, mieux pour la santé. Comme on peut l'entendre, Milena, vous êtes d'origine brésilienne. Il y a aussi une dimension culturelle. Par exemple, au Brésil, on adore boire très, très, très sucré. Donc, il y a vraiment cette habitude aussi, selon les pays. Oui, je ne sais pas si c'est parce qu'on est le plus grand producteur de sucre du monde, c'est le Brésil. Si c'est pas le premier, c'est le deuxième. Et c'est vrai que là-bas, on a l'habitude de sucrer beaucoup le café, de sucrer les jus de fruits. On ajoute du sucre partout et on a une obésité hyper grave. On est presque au niveau des États-Unis, au niveau de l'obésité. On a beaucoup de chirurgie bariatrique, énormément. Je crois que si on est le deuxième pays, si on n'est pas le premier, en chirurgie bariatrique. C'est très, très grave. Et en fait, c'est un manque d'information. Plus on est dans une classe sociale défavorisée, on va manger plus de sucre. Ils pensent encore que le sucre, c'est un bon aliment. Les populations amérindiennes originales du Brésil, ils ont une propension très grande à ne pas réussir à casser les molécules du sucre. Donc, ça provoque des questions de santé qui sont effectivement une bombe à retardement. Vous savez, j'ai été très choqué. Une fois, j'ai vécu en fait pendant 3 semaines dans une tribu qui avait fait son contact avec la société brésilienne il y avait très peu de temps. Et donc, ils vivaient encore d'une façon originelle, disons, préservée, dans une partie de la forêt amazonienne qui est quasiment sur l'équateur, avec une forêt qui a énormément de ressources. Donc, ils arrivent à vivre de chasse, de pêche, de cueillette. Il y a un équilibre. Quand ils voient arriver des gens qui ont un mode de vie différent, qui sont habillés avec les habits qu'on connaît, hein, la première chose qu'ils veulent, c'est faire partie de cette société, c'est d'avoir accès à toutes ces choses, à tous ces plaisirs et à tous ces objets qui vont apparemment faciliter la vie quotidienne. Et en même temps, c'est ce qui va les détruire. Et donc, on est dans quelque chose de totalement contradictoire. Et c'est très, très difficile de faire passer ce message que toutes ces choses qu'on a fantastiques, en fait, sont un piège pour eux. Juliano Ribeiro Salgado, vous avez réalisé avec Luc Follier un documentaire intitulé « Nauru, une île à la dérive » et vous racontez le destin d'une toute petite île du Pacifique qui est devenue l'un des pays les plus riches du monde suite à des exploitations minières et qui d'un coup est tombée dans une faillite économique, environnementale et même médicale puisque toute la population de l'île a été frappée par une épidémie d'obésité et donc 50% des adultes sont actuellement diabétiques sur cette île. Le drame de l'île, c'est que à la fois il rentre très vite dans cette société industrielle de la consommation. Un des éléments qui permet de voir ça de façon la plus dramatique, c'est la question du diabète, de la consommation de sucre, de produits industrialisés. Non, c'est terrible. Et vous avez rencontré notamment une femme qui apparaît dans la fin du documentaire où en fait elle vous explique qu'elle ne regrette rien. C'est une femme qui est dans un stade très avancé de diabète. Elle a besoin de faire une dialyse, c'est-à-dire de nettoyer son sang 2 à 3 fois par semaine. Et donc sa vie ne tient qu'à un fil. Et elle est dans un moment réflexif où elle se souvient, elle a perdu sa puissance économique, elle n'a plus d'argent. Ils ont beaucoup d'argent sur leur compte en banque, mais leur banque a fait faillite. Et donc, elle est bloquée sur son île, elle ne peut plus voyager, elle ne peut plus rien consommer. Et elle se souvient de l'époque où elle a pu goûter à tous les plaisirs de la vie, aux plaisirs de la vie industrielle, de la consommation à outrance, des achats, des voyages pour le tourisme, d'une vie qui est celle qu'on rêve dans l'idéal, si vous voulez, de la société libérale, capitaliste, etc. Et elle se souvient de ça et elle voit ça comme les meilleures années de sa vie. Pourtant, c'est en train de la tuer. Donc on est là dans une contradiction terrible. C'est très touchant en même temps, elle est très touchante. Etc. On peut penser par exemple aux Indiens d'Amérique du Nord, hein, les Indiens Pima. Leur prise de poids, elle ne se résume pas d'abord au sucre. Hein, parce que quand on parle du sucre, on parle aussi c'est finalement d'une augmentation des apports caloriques globaux, à la fois en sucre, à la fois en graisse. Même pour certains, en protéines, en fait, c'est le changement du mode alimentaire de façon plus globale. C'est assez, effectivement, étonnant. Hein. Ce sont des Indiens qui ont été, sédentarisés avec la colonisation. C'était des chasseurs, pêcheurs, des gens qui avaient d'activité physique qui mangeaient selon un mode finalement ancestral, et tout à coup vous les placez dans une situation où ils mangent différemment, à l'américaine si on peut le dire, et puis ne vont plus bouger. Et donc c'est cette combinaison de facteurs qui a conduit à la prise de poids de façon importante. Hein. Dans certaines de ces populations, 80% des personnes ont un diabète associé à une obésité. Mais ils ont également une prédisposition génétique qui favorise cette prise de poids. Vous dites à une population ou à des patients, voilà, il faut manger différemment, changer votre mode de vie, etc. Karine Clément. Mais si vous dites ça sans rien faire d'autre, ça ne va pas fonctionner et on comprend pourquoi. On a tous des freins qui sont liés à nos origines, à notre culture, à notre mode de vie antérieur, à celui de nos parents, de nos grands-parents. Et donc, il y a des collègues avec lesquels je travaille aux États-Unis, à l'université de Tufts, en particulier une chercheuse qui s'appelle Suzanne Roberts, qui travaille sur cette problématique des freins. Et parmi ces freins, notamment les freins culturels et la résistance, mais pas dans le sens péjoratif, c'est-à-dire la résistance au changement, c'est pourquoi et quels sont les freins. Et ces freins, il faut les identifier, parce que si vous ne les identifiez pas, c'est extrêmement difficile ensuite de pouvoir changer les comportements. Et en fait, c'est un vrai champ de recherche en tant que tel. Alors, un autre facteur très intéressant, c'est ce fameux microbiote qu'on a découvert il y a seulement quelques années. Des microbes qui habitent notre corps vont en quelque sorte prendre le contrôle, digérer des aliments à notre place ou même nous orienter vers tel ou tel aliment. Alors, le microbiote intestinal, finalement, peut être vu comme un nouvel organe sur la scène. C'est-à-dire, globalement, on a parlé de maladie des systèmes, donc c'est-à-dire maladie des organes, et des dialogues entre ces organes. Et ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que finalement, presque pendant des années, on a oublié l'intestin, et en son sein, le microbiote intestinal. Et effectivement, ces bactéries ont une activité extrêmement intense d'un point de vue métabolique, et puis on peut voir ça comme aussi le fait qu'elles sont en prise directe avec notre environnement. Et de la même façon, si vous avez un sol lessivé, plus de micro-organismes, les plantes ne vont pas avoir de défense contre les agressions. Et en fait, on tombe dans un cercle vicieux d'utilisation des pesticides, etc. Mais un sol où il n'y a plus de diversité, peut-être que vos fruits et légumes seront plus tellement bons, il n'y aura plus tellement l'apport nutritionnel qu'il faut. Et puis on voit bien ensuite le lien avec la santé humaine. On perd la diversité, la richesse de notre microbiote. Et il y a une analogie qu'on peut faire avec le monde, qui est la perte de diversité des espèces. Et c'est vrai dans les sols, c'est vrai dans les plantes, c'est vrai dans nos intestins. Et les bactéries jouent un rôle clé en fait dans tous ces processus, de la situation des sols, de la situation des océans, jusqu'à la santé humaine. Mais ce qui est complexe, c'est que vous dites à un fermier ou un agriculteur de modifier ses approches, il risque de perdre des revenus. Et c'est déjà compliqué pour ces personnes-là. Et il y a des stratégies aujourd'hui où les gens essaient de dire on peut régénérer les sols en apportant des matières organiques sans finalement avoir ces pertes de revenus. C'est un enjeu vraiment global à revoir entièrement. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui une vision très globale, partir de la santé des sols, de la santé des océans, de la santé des plantes vers la santé humaine. Et ces mouvements-là existent en Europe. Il y a aussi des résistances, mais il faut espérer qu'avec les développements actuels, on va y arriver, parce que c'est aussi notre santé et donc notre survie. Et il y a une dimension politique qui ne doit pas être oubliée. C'était « Quand se nourrir rend malade » avec l'équipe du service de nutrition à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, avec le professeur Jean-Michel Aubert, professeur Karine Clément, chercheur à l'INSERM, Sylvie Wolf, infirmière, Sophie Gougis, nutritionniste et Mathilde Dupont, psychologue. Merci à Marie-France Zimmer et Olivier Chapelle, Milena Montero-Sepulveda, docteur en physiologie et physiopathologie, Charles-Henri Malbert, chercheur à l'INRA, et Juliano Ribeiro Salgado, réalisateur du documentaire Nauru, une île à la dérive.